Octobre. Le froid, les chapeaux qu'on sort, les écharpes qu'on noue, les gants qu'on enfile. Il y avait du vent, de ceux qui transpercent les manteaux. On venait à peine de passer à l'heure d'hiver, mais celui-ci était déjà très présent. Un mercredi soir, bleu, la bouche collée au micro des coquineries littéraires, émission nocturne sur Radio Sonic, entame la lecture d'un extrait de West Lubric, un texte érotique choisi par ses soins. En face d'elle, Adam. Celui-ci a été appelé in extremis par la radio pour sonoriser les programmes de la soirée. Frisson noctambule, animé par Agathe, et puis celle-ci. Marine, que les auditeurs connaissent sous le nom de Bleu, est une jeune femme d'une quarantaine d'années, brune, pas très grande, avec un sourire mutin et des airs de petite demoiselle bien comme il faut. Adam, quant à lui, a 25 ans, mais son allure lui en donne 5 de moins. Il a de jolis yeux vert écume et de très très longs cils châtains. Il ne s'exprime pas facilement. La seule chose qui semble un peu plus animée chez lui, ce sont ses regards. Bien qu'il sache de quoi il est question dans les coquineries littéraires, la voix de Marine le trouble énormément. Et celle-ci, voyant ce doux jeune homme perdre autant les pédales, en est émue à son tour. Et puis, en janvier, il y a cette nuit, durant laquelle Marine s'ingénie à initier Adam de manière délicate, au début, et puis de plus en plus emportée. Elle n'a pas froid aux yeux, et lui, en pleine confiance, la suit, avec plaisir et volupté. De temps en temps, c'est lui qui ose quelque chose de neuf. En général, cela se borne à des préliminaires soft, mais il lui est déjà arrivé de surprendre Marine. Il n'y a pas qu'une histoire de sexe entre eux, plutôt quelque chose qui s'épanouit lentement au gré de leur découverte sensuelle. Marine aime sincèrement son savoureux, et Adam, qui au début s'imaginait être un peu le jouet de son aîné, s'en être un sentiment très doux, mais très fort. Pour sa délicieuse. Adam et Marine étaient assis sagement dans le canapé blanc de la pièce à vivre de l'appartement de la jeune femme. Ils venaient de souper. Des noix de Saint-Jacques avec un verre de vin blanc. Et puis ils s'étaient réfugiés dans le fameux canapé. Ils prendraient le dessert ensuite. Adam voulait faire écouter le premier enregistrement que sa petite formation de jazz et lui avait fait d'une reprise toute fraîche. C'était sur une clé USB. La qualité du son était loin d'être parfaite, mais Marine aurait l'occasion de se faire une idée. Éléonore chante en français cette fois, dit-il. Et il mit le périphérique dans l'ordi portable de Marine. Celle-ci ferma les yeux. Elle se rappelait cette soirée d'il y a quelques semaines. Ce concert auquel son ami l'avait invité, son talent à jouer du sax de manière si sensible, la façon dont les choses s'étaient passées ensuite. Combien Adam avait été tendre, gentil, attentif, mais aussi très inexpérimenté. Il s'était aventuré dans des terrains non conquis par le jeune homme, lui avec les doigts très agiles et la langue souple et délicate. Elle se disait que c'était sans doute son art subtil à jouer de cet instrument. Elle, avec attendrissement et patience, il avait repéré cette douceur innée simplement en la regardant et en l'écoutant lire ses histoires un peu cochonnes sur l'antenne de Radio Sonic. Après une intro au piano, la voix de la chanteuse s'éleva. Elle était veloutée, un rien rauque. Elle parlait du vrai amour. C'était une cover de Lennon, quelque chose que Regina Spektor avait repris. Elle aussi. John, le pianiste rêveur de la bande, avait traduit les mots et là, il fallait caler le texte en français pour que ça colle à la mélodie originale. Visiblement, ce n'était pas trop mal. Le groupe n'était pas au complet. Juste Éléonore, John, Adam et, de manière très discrète, Seb, le contrebassiste. Adam regardait la poitrine de la jeune femme se soulever lentement. Elle était fatiguée de sa journée de travail au collège et avait les yeux mi-clos. Il se demandait si son ami aurait assez d'énergie pour... Il avait faim, encore, d'elle. Je pensais avoir été amoureux avant. Mais au fond de mon cœur, j'en attendais plus. C'étaient les premières paroles de la chanson. Lentement, il passa un doigt sous l'oreille de Marine. Elle eut un petit sursaut, mais garda les paupières closes. Un sourire s'esquissa sur sa jolie bouche. Continue, ça me détend. Il ferma les yeux lui aussi. Il aimait savourer le contact de leur peau. Il se tourna davantage vers elle. Ses doigts jouaient avec ses cheveux, puis l'arête de son nez et son cou revenaient vers le décolleté de son amie. Elle portait une petite blouse noire avec une encolure ronde un peu profonde. On pouvait distinguer, au travers de l'étoffe, le haut de ses seins qui pigeonnait du soutien-gorge. C'est cela qui avait donné à Adam l'envie de la caresser. C'est l'amour. Le véritable amour. La voix d'Éléonore s'était tue à présent. Après que le piano eut achevé son dernier petit motif balancé, il restait encore des sanglots du saxophone. Adam adorait ce genre de vibes. Si on l'avait laissé faire, il aurait improvisé de cette manière tout le long du morceau. Mais bon, il fallait demeurer raisonnable et ne pas exagérer. Puis ce fut le silence. Enfin presque. Adam avait continué de caresser le visage de Marine et très tendrement, il avait posé le bout de ses doigts près du haut des seins de son amie. Il avait écarté un peu le tissu de la blouse et avait plongé le nez contre la poitrine de la jeune femme. Elle sentait bon, la rose, comme d'habitude. Avec beaucoup de précaution, il lui fit lever les bras pour retirer son haut. Elle ouvrit les yeux et les planta dans ceux de l'homme. Ils étaient brillants de désir. Cela attisa celui de son ami. Ils se regardèrent encore et encore, comme prêts à se baffrer l'un de l'autre. Il était question de presque silence. Marine était à présent en soutien-gorge. Sa jupe était retroussée, ses jolies cuisses galbées par ses collants noirs. Elle avait quitté ses chaussures. Prestement, elle défit les boutons de la chemise d'Adam. Son torse. Elle aurait passé mille fois les mains sur la poitrine de son ami, large, pas poilu, et ce ventre. Pas des tablettes de chocolat, mais pas un gramme de graisse superflu non plus. Et puis, ce fin duvet qui partait de son nombril et se dirigeait vers... Rien qu'à y penser, cela l'excitait. Elle prit un des tétons du jeune homme entre ses doigts et commença de l'agacer. Tu sais ce que ça provoque, non ? C'est vrai. Ils ne se connaissaient pas encore bien, mais Marine savait que ce genre de caresse avait tout pour mettre son amant en appétit. Elle n'aurait pas besoin ensuite de lui demander quoi que ce soit de manière très précise. Il fallait juste qu'il se laisse porter par son désir à lui, de lui donner du plaisir à elle. Elle se tortillait un peu parce que l'excitation commençait de pointer le bout du nez au creux de son ventre. Tout en s'occupant d'un des mamelons d'Adam avec sa bouche, à présent, Marine titillait l'autre. Du bout des doigts, le faisait rouler. Bleu, t'arrête pas, surtout t'arrête pas. Il l'appelait indifféremment Bleu ou Marine. De temps en temps, un « ma délicieuse » ou « Bleu, ma diablesse » frangissait ses lèvres. C'est dans ses songes qu'il la nommait de cette manière. Mais parfois, l'émoi et l'excitation étaient si présents qu'il laissait échapper ses petits noms d'amour. Le souffle du jeune homme s'accélérait à présent. Marine calait sa respiration sur celle de son ami. Il s'en rendit compte et cela exacerba le désir. Combien cette femme se montrait émoustillante. Elle lâcha le téton et fit descendre sa main contre l'entrejambe d'Adam. Bon Dieu, comme il bandait déjà. Elle n'aurait jamais pu imaginer son état. Il paraissait si tranquille, si calme, tellement maître de lui. Et pourtant, combien cela devait bouillir à l'intérieur. Tendrement, elle commença de le branler par-dessus ses habits. Il tremblait, il frissonnait de partout. Ses caresses à elle se firent plus rapides, plus appuyées. « Tu veux que je vais m'en occuper. J'aime voir quand tu es tout raide. Tu m'aides ? Soulève-toi juste un peu, pour que je puisse te retirer tout ça. » Et le « tout ça » fut envoyé prestement par terre. Les chaussures, les chaussettes, le jeans et la chemise. Elle ôta son soutien-gorge, ses souliers, ses collants et sa jupe. Ils étaient à présent pratiquement nus. Marine se coucha sur le dos. Le canapé blanc était froid, mais Adam, l'ayant fait se relever, y disposa un plaid couleur cerise et très délicatement l'étendit dessus. Il se mit sur elle, de toute la longueur de son beau corps souple et fort. Il ne pesait pas sur elle parce que ses bras le portaient et que ses mains étaient à côté du buste de son ami. Sans beaucoup de manières, il dirigea sa verge vers l'entrée du vagin de la jeune femme, un marécage, humide, liquoreux même. Puis, il y avait les petits soupirs de Marine. « Vas-y, oui, un peu plus vers l'avant. » Il avait touché un endroit sensible du corps de sa partenaire. Il savait, pour l'avoir expérimenté lors de leur première nuit, qu'elle se liquéfiait facilement, et puis qu'il était très aisé de jouer avec ses orifices trempés. Il n'eut aucun mal à la pénétrer. Elle releva les jambes, en serrant la taille d'Adam de celle-ci, et se laissant aller au cou de boutoir de son ami, ils étaient de plus en plus profonds. C'est comme si l'homme voulait toucher le fond de son antre. C'était délicieux. Un peu étrange d'être ainsi ballotté par le corps de quelqu'un qui lui semblait si attentionné. En effet, il n'y avait plus beaucoup de délicatesse dans leur étreinte. Les pénétrations s'accélérèrent. Parfois, le sexe d'Adam sortait totalement de celui de Marine, et quand il y retournait, cela provoquait chaque fois une petite explosion de sensations. Marine laissait échapper un cri, et cela excitait son amant. Et puis, pour trouver l'angle parfait, la jeune femme décroisa les jambes du dos d'Adam et les replia tout à fait contre elle, bien écartées cependant. C'est là qu'Adam se sentait le mieux. À la fois prisonnier du vagin de Marine, mais aussi le maître de la situation quant aux mouvements qu'il pouvait faire. Ceux-ci devinrent de plus en plus frénétiques. Il n'y avait plus aucune douceur entre eux, juste l'animalité de leurs ébats. Mais c'était si bon. Ils étaient pris dans un grand tourbillon de plaisir. Marine serrait à présent son vagin pour qu'Adam s'y sente vraiment à l'étroit. Il exultait. « Bon Dieu, ce que c'est bon !» Je viens, tu sens ? Oui, comme elle sentait la jouissance de son savoureux, les soubresauts de son corps, ses mouvements un peu anarchiques, pour coulisser de manière efficace dans le sexe de son ami. Autant de plaisir pour l'un que pour l'autre. Oui, Adam, oui, ça y est, ça y est. Les mots de Marine, entrecoupés de soupirs, de gémissements, de larmes, il fallait qu'il continue de décharger jusqu'à ce que son corps à elle soit vidé de tout plaisir. Et cela dura un temps certain. Du moins, c'est l'impression que ça leur donna. Il y avait tant d'émotions, d'excitation, de looping, qu'ils avaient la sensation d'être comme en dehors de la réalité. C'est comme ça d'habitude, quand on perd pied, quand on est si bien dans l'orgasme de l'autre qu'on s'oublie soi-même. Les bouches mêlées, leur volupté prit fin. Il n'y avait plus à présent que des petits baisers très doux, très délicat et de temps en temps un peu désarçonnant, leur langue qui se mélangeait. Cela avait été intense. La sexualité chenille d'Adam était en train de devenir papillon coloré et majestueux. Marine se demandait comment elle aurait pu douter des talents de son amie et se félicitait d'avoir comme amant un homme aussi attentif et comprenant aussi vite ses désirs à elle. Il était magnifique. Un subtil mélange de douceur tendre et de fougue, un corps à tomber, des yeux verts dont il valait mieux ne pas parler. Elle se dit même que si un jour ils devaient se séparer, ce serait la couleur de ses yeux écumes et ses longs cils qui lui laisseraient le plus de souvenirs.